Les belles rencontres. Bonjour, je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous présenter une artiste remplie de génie artistique, Jeannine Bourré, qui est peintre, graveuse et créatrice de bijoux d'art, demeurant dans le Haut-Saint-François, plus précisément à Ouidom, qui va nous parler de l'immensité de son œuvre ainsi que de sa démarche artistique. Elle a à son actif une soixantaine d'expositions solo, une soixantaine d'expositions collectives au Canada, aux États-Unis et en Europe. Aussi, beaucoup de ses tableaux font partie de collections publiques et privées. L'envie artistique de Jeannine demeure toujours très active car elle participe régulièrement à des expositions de groupe et aussi des symposiums dont, entre autres, elle en fut la présidente d'honneur à Dadwell en 2013. Bonjour Jeannine. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Jeannine, ta création, comme on le dit, est absolument infinie, car tu fais de l'acrylique, de l'huile, de la gravure et des bijoux. Mais comment est apparue ta fibre artistique qui est l'évidence même? Est-ce que c'était à l'adolescence, à l'enfance ou même jeune adulte? Elle est apparue sans que je m'en rende trop compte. Je pense que ça a commencé très, très jeune. Oui. Moi, je me souviens des photos d'enfance. Oui. J'ai pas des poupées dans les mains, mais j'ai un morceau de bois, j'ai un poussin, j'ai des choses qui m'ont influencé tout le reste de ma carrière. Mais je me souviens, petite, je faisais du dessin beaucoup plus que je jouais à la poupée. Donc, tu étais déjà attirée vers ça? Ouais. Plus dans la créativité? J'ai une mère qui a fait beaucoup, beaucoup de peintures de toutes sortes de... Elle a utilisé toutes sortes de médiums. Et je pense que j'ai été influencée ou encore... c'est arrivé chez moi par cette porte-là. Tu pouvais pas avoir un exemple plus proche que ça. C'est ça. Fait que t'étais presque, qu'on pourrait dire, baignée là-dedans. Je baignais là-dedans. Très jeune. Et rapidement, je suis devenue assez critique et autonome. Oui. Le fait de faire un petit dessin, me faire dire par, je sais pas, moi, 5-6 personnes que c'était beau, je le croyais pas. Je regardais ce que les autres faisaient et je me disais, faut s'améliorer. Ah, OK. Ouais. Donc, développer ta propre critique très, très jeune. Oui, parce que j'ai pas eu la chance de faire des grandes études. Mm-hmm. Alors, j'ai dû moi-même... T'étudier. Apprendre et c'est ça. Mm-hmm. Et puis, au tout début, on commence toujours par un début, quand on fait de la création, ça a été quoi ton premier médium qui t'a attiré ou bien qui s'est présenté à toi? Qui s'est présenté à moi, c'était des pots de gouache. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé que la gouache, c'était un peu... J'ai laissé les pots ouverts, ça a séché, et là, je faisais de l'aquarelle avec de la gouache. OK, toujours donc, avec le pinceau. Toujours avec le pinceau. Okay. Donc, l'aquarelle n'était pas tellement transparente. Et ensuite, j'ai commencé à faire de l'huile. Mais quand j'étais adolescente, sans m'en rendre compte, je découpais dans perspective tout ce qui concernait des ateliers de graveurs. Oh, et je ne savais pas ce que c'était qu'un atelier de graveur. Mm-hmm. Mais je découpais ça et je gardais ça précieusement. Jusqu'un jour où j'exposais à Québec et quelqu'un m'a demandé d'aller chez Albert Rousseau, le peintre Albert Rousseau. Oui, porter, un grand peintre. Oui, c'est ça. Qui exposait à Baie-Saint-Paul, hein, Albert Rousseau. Oui, hein? Qui était à Saint-Étienne et qui a exposé. Ben, il est dans les musées, il Mais est partout. Oui, c'est un peintre connu. C'est ça. Mm-hmm. Mais alors, c'est ça, je me suis pointée chez Albert Rousseau, il m'a invité à visiter son atelier. Et là, j'ai découvert la gravure. Tout ce qui m'intéressait, il avait beau montrer de très beaux tableaux. Je disais, oui, oui, c'est beau, c'est beau. Mais je revenais toujours aux plaques de gravure qui traînaient dans son atelier. Il faisait aussi de la gravure. Oui, il en avait fait au musée, quand il avait fait ses beaux-arts. Mm-hmm. Et là, il m'a dit, je pars un groupe de gravure, je me suis fait un petit atelier. Alors, tu sembles vraiment intéressée, je t'inscris à mon cours. Ah oui! C'est comme ça. Mais pourtant, il était dans la région de non, il était à Québec, c'est ça. De Québec, moi, j'étais ici. Oui, c'était pas un problème. C'était quand tu es jeune, tu voyages, ça, c'est pas tu as voyagé pour pouvoir... Ouais. Il fallait que tu ailles... Alors, je suis arrivée là un matin, et là, il m'a présenté tout le monde. Je me demandais bien ce que je faisais là, parce que c'était tout... C'était déjà intéressant. Bien, j'imagine. Alors... C'est à quelle année, ça, à peu près, Janine? Dans les années 70? 70-80. C'était au même moment où je construisais ma maison. OK. Je ramassais des pierres pour construire ma maison et en même temps, je découvrais ce que c'était que la gravure. Mm-hmm. Et après 2 ans, travaillais avec Albert Rousseau, il m'a téléphoné pour me dire « Janine, je suis malade, faut que tu prennes la relève. » Ah, non, mais je connais rien là-dedans. Et finalement, il m'a dit « Alors, je suis sur mon lit d'hôpital, t'es la seule qui peut prendre ça. » Ah, mais mon Dieu, quel... Et je m'en suis occupée pendant 15 ans. Ah, oui! Et c'est ça. Et c'est en ayant en charge un groupe, t'as pas le choix, t'es obligé de foncer, d'apprendre, de rencontrer. J'ai fait venir des artistes de Montréal, de Québec, donner des ateliers de fin de semaine. C'est vraiment... Et on a découvert la gravure, vraiment. C'est extraordinaire. Ouais. Et j'ai fait de la gravure pendant, à un rythme assez soutenu, là. Je travaillais 7 jours par semaine en gravure. Ah, oui. Pendant à peu près 25 ans. 25 ans. Donc... Et là, j'ai découvert le papier fait main. Mm-hmm. Parce que les papiers pour faire de la gravure sont des très beaux papiers, souvent faits à la main ou demi-main, demi-machine, mais c'est tout des beaux papiers de coton. Est-ce que le papier de Saint-Gilles en fait partie? Oui, moi j'ai travaillé sur leur papier, j'ai imprimé des gravures pour eux, ils faisaient des levées de fond et, mm-hmm. et j'ai fait quelques éditions de gravures sur leur papier, mm-hmm. qui est un très beau papier. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du papier. Ah, du papier. Tu veux dire peindre sur le papier? Non, je veux dire faire du papier. Faire? T'as fait ton papier? Oui, je fais mes papiers. Ah, c'est pour ça que tu dis du papier fait main. Oui, je fais à la main le papier. C'est quand même que tu le fabriques. Pour faire mes acrylés. OK. Fait que tu fabriques toi-même ton papier. C'est ça, à partir de... C'est rare. À partir de retailles de papier qui m'avaient servi à faire des gravures. Et... de vieux coton, des jeans, mm-hmm. des chemises. C'est ça, faire du papier. Ça a toujours été ça. Ariel, c'est extraordinaire. Et avec du coton, mais tu fais des papiers solides, les fibres sont longues. Et, tu les fais bouillir, j'imagine? Non, on met ça dans un défibreur. Un défibreur? Oui, il va défaire les fibres. OK. Et ensuite, tu refais ton papier avec la pâte qui est dans la suspension. Okay. Dans ouais. Ah, bon, mais ça, vraiment, c'est une chose que... Pas beaucoup de personnes savent. Non, c'est un gros travail. Je dois dire que pendant 3 ans, j'ai fait du papier, ne sachant pas ce que je ferais avec le papier. Mm-hmm. Mais je trouvais ça intéressant de faire le papier. Mm-hmm. Et moi, c'est sûr que j'utilise beaucoup de techniques, beaucoup de médiums différents. Et il y a des moments dans ma création où j'ai l'impression que je sais pas trop pourquoi je fais ça. Et tu laisses ça de côté et ça revient. Je pourrais utiliser ça. C'est ça. C'est comme si tu préparais quelque chose, comme s'il y avait un destin dans le. Oui, c'est ça. La préparation de tes choses. Puis à un moment donné, ça apparaît quand on a la création. C'est ça. Mais moi, je fais pas de feuilles lisses pour écrire. Mes papiers sont très texturés, oui. Un peu comme les roches, les pierres, la terre. Tout ce que je crée, c'est très relié à la nature. OK. La vie, l'eau, la pierre, c'est tout ce qu'on trouve dans mes tableaux puis dans mes... Oui. Donc, les textures sur lesquelles je travaille, ça m'aide à créer, mais c'est vraiment un cheminement, là. T'es vraiment, vraiment créatrice, puis en même temps, t'es manuelle aussi. Oui. Parce qu'il faut faire les deux. Tu sais, on peut penser des choses, mais le réaliser, c'est autre chose. Oui, c'est ça. La conseiller. De toute façon, à partir du moment où tu as une idée, tu la réalises, là, il y a tout le bras, là, qui fait que ce que tu penses, puis ce que tu fais, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est ça. C'est super, c'est vraiment merveilleux. Mais dans tes acryliques, Tu continues toujours à faire des acryliques? Toujours. Toujours. Fait que j'ai remarqué que dans les acryliques que tu faisais, il y avait des bestiaires. Mm-hmm. Parce que aussi, ça fait partie de la nature. Il y a des moutons, des chevaux. Il y a même aussi les fleurs. Aussi, j'ai vu du ciel. Est-ce que ça vient par période quand tu veux, tu crées? Ou bien c'est de façon aléatoire? Non, c'est vraiment par période. Oui. J'ai eu une période, c'était des personnages. Oui. J'ai fait beaucoup de personnages en graveur. Oui. Oh, oui. J'ai eu une période mouton en graveur. J'ai eu une grande période oiseau. Tu vois. D'où le petit poussin du début. Et les oiseaux, ben, sont toujours là dans mes tableaux, mais d'une façon différente. Et oui, je suis revenue aux moutons, aux chevaux. C'est une suite. On peut pas tourner la page, puis genre, mais je l'ai fait différemment. Mm-hmm. Ma création se développe différemment. Puis les nuages, c'est aussi... C'est l'eau oui, c'est, qui est en suspension. Oui. Est-ce que ça signifie aussi de la légèreté, comme les oiseaux, c'est joyeux, c'est léger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est symbolique que tu mets là? Là-dedans, ou c'est intuitivement que tu fais ça? Mais quand les nuages... moi, je pensais jamais faire des couchers de soleil comme je pensais jamais faire des fleurs en tableau. C'est quelque chose que j'avais de la difficulté à apprécier. Mm-hmm. Jusqu'au jour où j'ai mis beaucoup, beaucoup d'iris dans sur mon terrain. Et là, je regardais ça, mais c'est magnifique. J'ai commencé à faire des croquis, des petites aquarelles. C'est comme ça que les fleurs sont arrivées dans mes tableaux. C'est parce que tu les as vues et puis tu voulais les reproduire autrement. Mmh. Oui, c'est ça. Ils sont devenus... partie intégrante de ta... C'est ça. De toi. Ouais, parce que tu les as plantées, puis là, tu les as créées. C'est ça. Alors, tu sais, quand je dis que la nature est là, puis elle s'impose, c'est ça. C'est tout l'environnement, c'est aussi les voyages, c'est aussi... je me souviens d'une fois, un de mes voyages, je suis allée, on était en France, et les seules choses que je voyais, c'était les portes puis les fenêtres. Les portes puis les fenêtres. Et je suis revenue et j'ai fait une exposition, c'était que des portes et des fenêtres dans des ciels, dans des... C'est... Une autre fois, je suis allée aux îles de la Madeleine et tout ce que je voyais, c'était les rivages. Et... Mm-hmm. Je suis revenue et j'ai fait des chaises sur le bord de l'eau. Toute une autre exposition, des chaises et des bords de l'eau. Ça arrive à toi. C'est comme si tu vas dans tes voyages, tu vois des choses, mais ça arrive toute seule à toi, puis c'est comme ça que ta création vient. T'es pas là à penser, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, ça vient tout seul, là. Ça se présente. Il arrive quelquefois que trop réfléchir, c'est pas... ça empêche de faire bien des choses. Oui, tu fais ça d'une façon spontanée. Oui. De toute façon, quand on crée un tableau, il en appelle un autre. Oui, ça c'est vrai. Et moins on travaille, moins on a d'inspiration. C'est vraiment le travail qui apporte le côté de génie. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est ça. À suivre.